Je n'attends rien de personne, je devrais gratter le sol qui va me faire taire. Ils connaissent pas ma vie, mais sort la douleur dans mes vertèbres. Je suis un grain de sable dans la machine, un bonhomme sur le terre-terre. Quand j'imagine, tout est magique. Quand j'ouvre les yeux, rien n'est pareil. Je fais des rêves et des cauchemars. Je retrace mon parcours, ces rappeurs sont des clochards. Alors je les clash tous, j'arrache tout sur mon passage. Je les enrhume, je suis en roue libre. Personne va percer, encore moins toi. Et tes sons tout pourris et tout part, c'est la même. Je l'ai juré sur la mec, je prendrai soin d'elle. Je serai présent jusqu'au dernier souffle de ma mère. Partagerai ses joies et ses peines, sécherai ses larmes et les miennes. Si t'es mon frère, je te laisse croquer le gâteau. Je me contenterai des miettes nostalgiques. Je vois le temps qui passe derrière mes Louis V. On se connectait entre nous sans le wifi. La vie ne fait pas de cadeau. J'pense à Jérôme, j'pense à Stéphane. J'pense à mon poteau qui a perdu son daron, parti trop tôt. Les plus belles fleurs se fanent. J'cultive ma haine et j'crois pas en la chance. J'avais 15 ans, j'fumais des pets, j'faisais les 100 pas dans ma chambre. J'roule à 2,40, ces fils de pute voudraient rayer ma jambe. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne fait pas l'argent. Instable, tout va trop vite pour qu'on se souvienne. Grain de sable parce qu'on finira poussière. Pour enrayer la machine, réveiller la magie. J'irai pas au paradis même si les portes sont ouvertes. On s'étouffera avec l'argent sale. Je veux croquer le monde, je veux pas dormir. J'ai tiré sur le marchand de sable. Je tourne en rond pour être à l'heure, il me faut une autre marque. Donc c'est soit tu taffes, soit tu bibis la frappe du rockma. Instable, tout va trop vite pour qu'on se souvienne. Grain de sable parce qu'on finira poussière. Pour enrayer la machine, réveiller la magie. J'irai pas au paradis même si les portes sont ouvertes. On s'étouffera avec de l'argent sale. Je veux croquer le monde, je veux pas dormir. J'ai tiré sur marchand de sable. Je tourne en rond pour être à l'heure, il me faut une autre marque. Donc c'est soit tu taffes, soit tu bibis la frappe du rockma. J'suis dans le Mosga. J'ai ma casco, y'a des rappeurs dans le coma, 3 sur l'échelle de Glasgow. Y'a des poucaves qui parlent trop, maintenant je sais qui c'est. Faut arracher les barreaux, faut libérer Big Z. Faut 2-3 millis, que je me stabilise. La belle époque c'est fini, entre nous y'a pas de feeling. J'fais même plus confiance à mon ombre, elle me lâche dans les coins sombres. J'ai vu trop grand, j'avais pas le bon nombre pour résoudre l'équation. J'ai pas la cote, j'ai fait du mal, j'te l'accorde. Déçu par l'humain, je ne tends plus la main, j't'en l'accorde. J'ai pas la cote, j'ai fait du mal, j'te l'accorde. Déçu par l'humain, je ne tends plus la main, j't'en l'accorde. Instable, tout va trop vite pour qu'on se souvienne. Grain de sable parce qu'on finira poussière. Pour enrayer la machine, réveiller la magie. J'irai pas au paradis même si les portes sont ouvertes. On s'étouffera avec l'argent sale. Je veux croquer le monde, je veux pas dormir. J'ai tiré sur le marchand de sable. Je tourne en rond pour être à l'heure, il me faut une autre marque. Donc c'est soit tu taffes, soit tu bibis la frappe du rockma. Instable, instable, instable. Grain de sable parce qu'on finira poussière, poussière, poussière. On s'étouffera avec l'argent sale, argent sale, argent sale. Je tourne en rond pour être à l'heure, il faut une autre marque. Donc c'est soit tu taffes, soit tu me dis la frappe du rockma.